Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue de Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous en ce dernier mardi de septembre? Eh bien, il fait plutôt frisqué hein, quand même pour un mois de septembre. Eh bien, croyez-moi, 2 heures de métal en fusion, ça va vous réchauffer. Pas besoin d'augmenter le chauffage ou de remettre un pull supplémentaire. Ce qui va se passer entre vos oreilles, ça va vous faire du bien et croyez-moi, vous allez vous réchauffer, comme toutes les semaines d'ailleurs. Ce soir, eh bien, comme toutes les semaines, on va se faire un petit survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré. On va se passer des petites choses assez anciennes aussi, qui ont un petit rapport avec l'actualité, bien sûr. Et j'aurai aussi 4 nouveautés à vous proposer. Vous êtes prêts? Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, avec un obscur groupe des années 80 qui n'a eu pas eu sa chance, qui n'a jamais sorti d'album, mais là, un petit label vient de ressortir des démos de ce groupe qui est resté dans le plus strict anonymat entre 80 et 83, c'était Bible Black. Bible Black était fondé par 2 anciens Rainbow, Craig Krueber et Gary Driscoll, et je pense que si ça a été exhumé du fin fond d'une cave, ça, c'est parce que tout simplement, ce groupe a eu quand même, parmi ses chanteurs, les 3 chanteurs qu'il a eu, 2 qui ont fait quand même une brillante carrière. Joey Belladonna qui sera chanteur d'Anthrax à partir de 85. Et en ce qui nous concerne pour ce soir, on va se passer un morceau avec Eric Adams qui sera le futur chanteur donc de Manowar. Alors c'est vrai que Bible Black, quand on écoute, on comprend que ça soit resté un petit peu de l'anonymat car il n'y a pas grand chose qui fait que ça pourrait les faire décoller par rapport à la concurrence de l'époque qui était comme assez féroce, mais bon, nostalgie aidant, on écoute ça avec, je pense, plus d'indulgence aussi, mais faut reconnaître que ces démos sont quand même sacrément bien produites. Donc ce soir, je vous invite à découvrir Bible Black avec les débuts de Eric Adams, juste avant que celui-ci ne rejoigne les guerriers en peau de bête de Manowar. Donc le morceau de The Complete Recordings, c'est Gone. Coming right now. Séquence Retour vers le futur, puisqu'à l'instant, nous étions en 1980 et en compagnie de Diamond Head, époque où Diamond Head donc sortait son premier album, le mythique Lightning to the Nations. Et là, on a eu le droit au morceau Sweet and Innocent. Et Diamond Head qui sera en concert à Paris dimanche en première partie de Saxon, là au Trianon. Ça va faire une bien belle affiche. Bonjour la nostalgie. Juste avant Diamond Head, ce groupe complètement méconnu qui était Bible Black, avec le morceau Gone, où figurait donc le chanteur Eric Adams, bien avant que celui-ci ne fasse partie de la légende Manowar. Donc extrait de l'album The Complete Recordings 1981-1983, sorti au printemps dernier. La suite, c'est la première nouveauté, donc retour maintenant en 2022, avec un groupe qui nous vient de Limoges, qui existe depuis, je crois, 2017, et qui vient donc nous sortir son premier album, il est sorti mi-septembre. C'est un groupe de rock alternatif, avec des choses très sympas, très actuelles, qui s'appelle donc Desert Dew. Donc leur premier album s'appelle Mirrors, et je vous invite à découvrir le morceau On My Own. We'll be right back. Semaine, pour ne pas dire quelques mois, qu'on n'avait pas passé un petit extrait de Square One, le premier album de Soul Riot, le groupe du bassiste de Laura Cox, et c'était le morceau Sand Escape, juste avant, première nouveauté de la soirée, Desert Dew et le premier album Mirror, sorti le 16 septembre dernier, et c'était On My Own. On va se faire un petit peu de métal progressif et on va revenir à l'album live de Dream Theater, Live in Berlin 2019, qui est sorti donc cet été au mois d'août. Et on va se faire donc en extrait le morceau Unethered Angel, qui était le morceau d'ouverture et qui est extrait donc de l'album Distance Over Time, qui était le dernier opus en date à ce moment-là.

Deuxième nouveauté à l'instant, un groupe qu'on avait tendance un petit peu à avoir oublié ces dernières années, Vandenplace qui nous est revenu cet été avec un double CD plus DVD live, intitulé Live and Immortal, enregistré donc chez eux à leur fief à Kaiserslautern en 2016. C'est leur troisième live devant, pourtant, vu leur carrière quand même assez longue, puisque le premier album, je crois, date de 94-95, si mes souvenirs sont bons. Donc on peut pas dire qu'ils ont abusé vraiment des produits live, ce Live and Immortal, vraiment donc sorti cet été, est vraiment parfait au niveau son, au niveau image, comme toujours. Espérons que Vandenplace nous revienne bientôt avec un nouvel opus studio à suivre. Juste avant Vandenplace, un groupe aussi avec lequel ils ont déjà partagé l'affiche, puisqu'en 98, Vandenplace faisait la première partie de Dream Theater sur la tournée européenne. Et là, c'était donc le morceau Unentered Angel, extrait du Live in Berlin 2019, donc sorti cet été. Continuons toujours en live avec le groupe Blackstone Cherry qui sera en concert mercredi prochain au Trianon à Paris pour nous présenter son, je pense à peu près, le même set que sur ce live qui est sorti là au mois de juin, intitulé Live from the Royal Albert Hall, Yeah Hall. On va se faire un classique Hell and High Water. This next song, we're gonna take you back about 15 years, all right? And I want y'all to sing along with us as loud as you can, baby. This song's called Hell and High Water. I'm We got good vibes, good people, free booze, free smoke at the Soul Creek, baby! Down by the river, where the light is day. Sunlight, but a water runs between you and me. C'était jolie doublette de Blackstone Cherry, Soul Creek et Alan Highwater, tous deux extraits du Live from the Royal Albert Hall Hall qui était sorti au mois de juin dernier. Sorti à peu près à la même époque aussi, maintenant on va rester un petit peu dans le même registre, blues rock péchu. On va revenir donc au cinquième album studio de Simon McBride, l'Irlandais, guitariste chanteur irlandais, qui maintenant est le guitariste, et c'est officiel, de Deep Purple suite au départ de Steve Morse après 28 ans de bons et loyaux services. Et bah, Simon McBride, si vous avez eu l'occasion de voir Deep Purple cet été au Hellfest ou lors des festivals quelconques, bah, vous pouvez voir qu'il se débrouille pas si mal que ça et je pense que ça va le faire. En attendant de son album, son dernier album Tout chaud tout bouillant sorti au printemps, le morceau Kingdoms. You were missing. nobody knows. Oh, that shit you're talking, you're starting to believe it. The truth gets buried deep up below. Trust me for a minute, you are so far in it. You're running out of places to go. Too long. And now all your puppets are tired of pulling punches when you were never part of the show. You think it's your kingdom, you think you're the king, but I will knock you off of your throne. If you can see, if you can see yourself. You know it's all in my heart. Petit retour dans le temps, 1973, Led Zeppelin sortait Houses of the Holy, son cinquième album, c'était donc Dancing Days, et ça c'était en hommage à John Bonham, leur batteur qui a disparu le 25 septembre 1980, et c'est clair que c'est quelqu'un qui a continué d'influencer, je pense, de nombreux jeunes qui découvrent le rock. Juste avant Led Zeppelin, c'était donc Simon McBride, l'actuel guitariste de Deep Purple, avec son dernier album The Fighter, c'était le morceau Kingdom. Dimanche, si vous avez envie d'aller voir la légende britannique Saxon, eh ben, ils seront en concert à Paris au Théâtre du Trianon pour nous présenter normalement leur dernier album Carpe Diem, dont on vous a passé presque tout l'album. Eh ben, je me suis aperçu qu'il y en avait un morceau qu'on n'avait pas encore passé, c'était Remember de Fall In. Came Petit détour par l'Empire du Soleil Levant avec les demi-dieux de Loudness qui célèbrent donc leurs 40 ans de carrière et leur nouvel album Sunburst. C'était le morceau Kazo Genjitsu, excusez la prononciation, ce qui signifie la réalité virtuelle. Juste avant ça, Loudness Saxon avec Remember the Fallen, un extrait donc de Carpe Diem, leur dernier album sorti en début d'année. Et pour la petite histoire, j'ai pas pensé à ça quand j'ai fait la playlist en préparant l'émission, mais Saxon et Loudness avaient partagé l'affiche en 1986. À l'époque, Saxon donc jouait au Zénith et Loudness faisait la première partie et c'était leur première venue aussi en France. Et il est presque 20h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et qu'est-ce qu'il y a entre 19h et 21h tous les mardis soirs? Eh bien, c'est Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission qui vous enlève tout le cérumen et qui vous grille les neurones. Et bien là, on va s'en griller quelques-uns avec le nouvel album de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead, que je vous ai présenté la semaine dernière et qui est vraiment une belle réussite. Bon, il n'y a aucun album de Megadeth qui est vraiment raté, mais enfin celui-ci nous replonge vraiment dans l'esprit de Rust in Peace et de Countdown to Extinction, comme par exemple ce Will Be Back, ultra speedé comme au début de Megadeth. Là, on fait un bond de 30 ans en arrière. écouté cet album, vous aurez reconnu, je pense, Metallica avec le Trapped Under Ice, extrait de Ride the Lightning, sorti en 1984, et ça c'est en hommage à Cliff Burton, leur légendaire bassiste qui a disparu en 1986, le 27 septembre, exactement. Quelqu'un qui manque vraiment beau souvent. Moi, je sais que je me pose souvent la question. Je me demande si Metallica aurait suivi la même évolution s'il était resté dans le groupe. Ça, c'est une chose qu'on ne saura malheureusement jamais. Juste avant Metallica, le frère ennemi Megadeth, qui nous est revenu en pleine forme avec son dernier album de Sick, the Dying and the Dead, qu'on a pu le constater avec le morceau We'll Be Back. J'espère qu'ils seront de retour et qu'on pourra les revoir sur scène, parce qu'apparemment, Wellfest, c'était de la tuerie. On va se faire la troisième nouveauté de la soirée. On va faire un petit tour du côté des guitares héros féminines avec Orianti. Orianti qui nous a sorti son premier live après 6 albums studio. Alors Orianti, de son nom Orianti Panagaris, est plutôt connue parce que pour avoir joué entre autres avec Alice Cooper entre 2011 et 2014, elle devait normalement être la guitariste de Michael Jackson en 2008 sur sa tournée, mais bon, malheureusement, on sait que Michael Jackson n'est plus là. Et par contre, elle apparaît sur le documentaire de sa tournée où on peut se rendre compte qu'elle a un sacré jeu de guitare, entre autres. Et aussi, elle figure sur le groupe RSO, qui est ni plus ni moins que l'association de Richie Sambora et de Orianti, dont elle a déjà fait un petit album en 2018, Radio Free America, dont on avait passé d'ailleurs quelques extraits ici dans Electric Shock. Donc là, ils viennent nous sortir son premier live, intitulé tout simplement Live from Hollywood, sorti cet été. C'est un CD DVD. Alors, le seul petit problème que je dirais à ce live, c'est que chaque morceau se termine en fade out. Alors, on comprend mieux pourquoi quand on regarde le DVD, parce qu'en fait, après chaque fin de morceau, hop, il y a des bouts d'interview où elle parle donc de la vie en tournée, de ses influences, etc. Ce qui est intéressant, mais je trouve ça casse le rythme. Personnellement, j'aurais préféré avoir le concert d'un seul coup, parce que comme ça on reste dans l'ambiance, et avoir une interview plus complète mais en bonus à la fin. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Orianti va pas tarder à nous ressortir un prochain album studio au mois d'octobre normalement. Donc de ce Live from Hollywood, on va se découvrir avec le morceau Contagious. Vous pouvez vous rendre compte qu'elle chante aussi pas mal du tout. Yeah. Thank you guys so much for being here. There's no answer to your prayers when you're a sinner. Your window till you drink what's left of that bottle by your bed. It's in the sinner's hell, the sinner's hell, the sinner's hell. In the Contagious, donc deux extraits du CD-DVD Live from Hollywood de la guitare chanteuse Orianti. Ça, c'était donc la troisième nouveauté de la semaine. Revenons à une des grosses sorties de cette rentrée. Le nouvel album de Arch Enemy Deceiverse, sorti donc au mois d'août. Et Arch Enemy qui sera en concert mardi prochain au Zénith quand même, à Paris, excusez du peu, en compagnie de Carcass. Je crois que ça va être une très belle affiche. Deceiver, Deceiver est le morceau de ce soir. We'll be right back.

qu'est-ce qui vous grille les neurones et qui vous nettoie les oreilles gratos? C'est Electric Shock. Et Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Ben, je crois que là, si vous restez du cérumène après cette doublette Made in Sweden, je pourrais pas grand chose pour vous. À l'instant, In Flames avec son Friend, extrait de Soundtrack to Your Escape, et que c'est sorti en 2004. Et avant, Arch Enemy, extrait donc de l'album Deceiver, sorti donc cet été, Deceiver. Voilà. Je pense qu'avec ça, on a la pêche. On va rester toujours en Suède, mais là, on enregistre beaucoup plus cool avec le jeune groupe Children of the Sun, dont c'est le deuxième album, intitulé Roots, que je vous ai présenté depuis début septembre. Children of the Sun, ben, des petits jeunes qui ont piqué les disques de leurs grands-parents, c'est clair qu'on est plus proche de l'esprit de Woodstock que du death metal. Extrait donc de cet album Reflection. Silence rising overhead. She will meet her lover in the morning rain. And the pain of falling in love, it's a dangerous addiction. It doesn't matter how you try, it doesn't matter. you sheltered in their smile. I scattered here from yesterday, and in the week I left behind. They have to pay, and though you haven't much to give, you know they take it, yours and mine. Sometimes it looks as though we lose, but then in time, the finger points at them, the next in line, the vultures fly high. They circle over us all, the vultures fly high. I'll take your hand if you fall. La Suède à la perfide Albion, il n'y a qu'un pas à franchir, ça c'est la magie de la radio. Et on voyageait dans le temps, on se retrouve à l'instant avec Renaissance, pas le parti présidentiel, non, on ne fait pas de politique d'Electric Shock. Le groupe Renaissance, groupe de rock progressif du début des 70, incontournable, avec un extrait de leur album le plus connu, Scheherazade and Other Stories, leur sixième sortie en 1975, c'était The Vultures Fly High, un groupe que je vous invite vraiment à découvrir. Juste avant Renaissance, les Suédois de Children of the Sun et leur deuxième album Roots, c'était le morceau Reflection. On va se faire la dernière nouveauté de la soirée, avec encore un live, mais enfin un live un petit peu particulier, un live sans public, c'est le live de Anthrax XL, sorti là au mois de juillet récemment, en double CD plus Blu-ray, encore une fois de plus. Ça, c'est un des reproches que je ferai à Nuclear Blast, souvent de sortir des CD audio avec exclusivement le Blu-ray. Le DVD, tintin, donc si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de lecteur DVD, Blu-ray, vous vous contenterez du son, pas d'image. C'est dommage, moi j'aime bien que... Il y a certains objets qu'on peut trouver soit en DVD, soit en Blu-ray, ce qui paraît tout à fait logique, mais non, ça, j'aime pas cette façon insidieuse d'inciter les gens à consommer. Enfin bref, voilà. Donc, Anthrax, l'année dernière, donc, a fêté, donc, ses 40 ans de carrière. Mais malheureusement, pandémie oblige, ils ont été obligés, donc, de faire un concert sans public sur une scène, normale, donc. Par exemple, ça fait un peu bizarre quand on voit les photos ou autres, mais même à entendre, parce qu'il n'y a aucun cri de public, etc. Donc c'est une répète grandeur nature. Par contre, Anthrax ne semble pas du tout déstabilisé par ça. Ils ont toujours la même patate qu'il y ait 15 000 personnes en train de hurler ou qu'il y ait personne. Je pense qu'ils arrivent suffisamment à se motiver eux-mêmes pour vraiment délivrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc ce double CD regroupe toute la carrière d'Anthrax, tous les classiques bien évidemment, plus des morceaux quelque peu obscurs, normal aussi. Et la pochette reflète bien ça, puisqu'en fait c'est une espèce de kaléidoscope où on retrouve un petit peu tous les éléments de toutes les pochettes des albums de la légende américaine. Seul défaut, seul petit reproche que je ferais, ça c'est, vous connaissez mon côté pinailleur, c'est qu'il n'y a aucun morceau de la période John Bush, qui est quand même resté quand même près de 10 ans dans le groupe. Je pense que un petit Room for One More ou Only n'aurait pas été de trop non plus sur ce live, voilà, enfin bon, c'est comme ça. Toujours est-il que ce Fight Them Till You Can, qui est le morceau qui ouvre ce live, il dépote vraiment. Allez, on se l'envoie tout de suite. Fight Until You Can, ça c'était Anthrax, extrait de son CD Blu-ray Live XL pour leurs 40 ans de carrière. Un live malheureusement sans public, pandémie oblige. Eh bien, un autre groupe aussi qui a profité de la pandémie, par contre, pour enregistrer et filmer un concert un peu particulier, c'est les Portugais de Moonspell, qui ont profité de ça pour enregistrer et filmer donc un concert dans le cadre unique des Grutas de Milhas de Aire, au Portugal, donc des grottes souterraines. Donc dans un environnement assez particulier, donc je pense que cet environnement va aller à merveille avec la musique sombre et gothique du groupe lusitanien. Moonspell d'ailleurs sera, donc ce CD-DVD devrait sortir donc vendredi, là donc un peu de patience. En attendant, ils seront en concert à Paris à l'Élysée-Montmartre lundi prochain. Et on va se faire par contre un véritable concert, là, puisqu'on va retourner à Katowice en 2004. Donc avec un extrait de l'album Lusitanian Metal qui était sorti par contre en 2008, on va se faire le petit classique Alma Mater. Alma Mater. Let's go! You're the beast. Evil one. Come on, raise your hands. Above your heads, raise the star. In your heart, is that the jewel of a servant to which you die? Your anger is a poison, and you will spread it as you beat. Unique, it's a nice and funny dream. Just give it a grin, I won't grin. Come on, you can give it more. Cut the bitch! Let's start the show! Et Alma Mater, donc deux extraits du live Lusitanian Metal sorti en 2008, c'était donc Moonspell. Changeons d'ambiance, un peu plus éthéré, avec le deuxième album solo de Rosalie Cunningham, l'ancienne chanteuse de Purson, avec son album Two Pieces Puzzle. Et ce soir, on va se faire le number 149. Avec Number 149, extrait donc de Two Pieces Puzzle. Ben, il nous reste très peu de temps, mais on a le temps de se faire aller à un petit dernier petit morceau. On va terminer donc de façon un petit peu plus heavy. Et on va retourner à Tonic Breed, le projet de Patrick Svensson, qui est un one-man band, qui est à la fois chanteur et guitariste et quasiment unique membre permanent de ce groupe, qui a déjà sorti plusieurs albums. Là, il nous a sorti un petit EP cet été qui s'appelle Fuel the Fire. Et il y a plein de guests, comme par exemple sur ce H.E. Antagonist, c'est Oliver Palotai, le claviériste de Camelot, qui s'y colle. H.E. Antagonist, voilà, donc c'était le dernier de Tonic Breed, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute une fois de plus, et bien j'espère vous retrouver la semaine prochaine, où j'aurai des petites nouveautés, bien sûr, et je pourrai vous aussi vous parler du concert de Saxon de dimanche. Ben, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, et à mardi, salut à tous! Espanhola vai dominando, Coque dá a bola para o lado esquerdo, aí está Coque, vai meter para o meio para Rodri, tenta fugir à marcação, perde a bola e vem Portugal, a bola para Cristiano, dá a bola para trás, abre William, William vai pela faixa do meio, entrega a bola para Ruben Neves, Neves dá a bola para a direita, vai avançando a equipa portuguesa, dá a bola para trás para Ruben, Portugal reorganiza, a pressão é já de um jogador da Espanha, neste caso Morata, Álvaro Morata, segue Portugal, outra vez Ruben, Ruben dá para a direita, a Portugal vai tentar agora avançar, a bola vem para o meio, já para Ruben Neves, abre a bola para Danilo, recepciona, pode meter à esquerda, é o que faz, a bola para a meia canhota, vai dominando Diogo Jota, entrega a bola para Nuno Mendes, bate a bola para o meio, para William, William recepciona, virou, deu a bola já para o companheiro, a bola